fais pareil à toi? Bah, si. Enfin... Non, ça fait rien du tout. Wow, wow. Attends. C'est quoi ça? C'est moi qui fais ça. Pourquoi elle fait ça quand tu fais ça? Quoi? Tu m'inquiètes, dis donc. Attends. C'est à cause de toi! Quoi? C'est toi qui a effacé toutes ces bandes! C'est moi? C'est toi! Bah, foutez-moi en cabine, allumez le micro, refaites le mix en direct là, je vais refaire tous les morceaux moi-même.